to see if I was child. And I live so, am I evil with a child? Am I evil today? Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? What you got them down? If I'm for sale, if I'm with your dame, if I'm with a lie, they call them on a different day. This song on a different day to the red phone. Rap on a tray up on the day. Pray for success on that sound. Pray for her step away. Don't drop my price. Then drop a moving brain on the little way. Thank you. à l'envers. I'm glad to see you. Je suis de ceux qui ne savent pas retenir un jour. I'm glad to see you, my friend. Comment on se retrouve? Moi aussi, je suis de ceux qui ne peuvent pas retenir la peine. Un jour avant, c'est déjà maintenant. Un jour avant, c'est déjà maintenant. Vous êtes un ersatz virtuel de votre propre réalité incarnée. Vous êtes un ersatz virtuel que la société m'a porté. Diablé, enjoigné pourtant, je n'ai pas su attendre, je n'ai pas su attendre, compte demain, compte sous le sapin, je suis un petit enfant contrit, je n'ai pas su me retenir, sous le sapin, je suis contrit, contraint. pourra converser. Oh, why can't I reach it? to forgive me, Lee. Forgive me. No wait, no hope. Shall we try it on one? Please. Present door, no wait, no why. Thank you. face à la peur. Dans les bronches, j'en ai plus. J'en ai passé et vous passe le temps passe. Qui a encore le temps? Le temps. Première richesse dans le monde, 'cause time is all you got in this world. Ah ouais, petit lover prend la suite bien sûr. Come on, bass. Now, you have to break it. You have to break it up. Yeah man, we needed you. We needed you. You know, I don't know that. You know, I don't have no culture about my ears. I can't recall. I can't be that without my I'm You're turning that way. Allez, danser. les deux pieds dans l'herbe, regardant les étoiles. Fail better. Déjà pas mal. Raté mieux. C'est déjà pas mal. Braves gens, moi j'adore. À la langue bien pendue. Moi j'adore. Frères humains, frères humains. Mm-hmm. l'usure sera. Voir la réalité. Arco, arco, go on. Yeah. play. Chance. It's a creation. Human